Oh critique, moi je vous aime, vous m'avez bien compris. Vous vous installez sur des sièges que moi je méprise. Je voudrais vous parler en argon, mais ce serait trop long. Je pourrais parler en leur nom, mais je ne suis pas en diapason. On vous dit que la planète est devenue une poubelle. Tu regardes la télé, elle nous dit quoi faire. Tout cela n'est pas censé s'arrêter. On attend des mages. Moi j'aime la vie, je ne sais plus quoi faire. Je reste dans mon lit, tel un chien ahuri sans un peu de vie. Je ne sais plus quoi faire, j'ai plus de repères. Moi j'aime la vie, je ne sais plus quoi faire. Je reste dans mon lit avec mes chips, tel un chien ahuri sans un peu de vie. Je ne sais plus de quoi faire, j'ai plus de repères sauf la télé. On vous dit que la planète est devenue une poubelle. Tu regardes la télé, elle nous dit quoi faire. Est devenue une poubelle. Tu regardes la télé, elle nous dit quoi faire. Tout cela n'est pas censé s'arrêter. On attend plus que des. La télé.